et puis c'est vérité, on va venir compter tout salade. Musique en moins qu'on miroir, vous pouvez mettre devant à ouiller. Monte des cafés, vous pouvez changer ces cafés, fond et conviction. Sinon, au café n'a terre. Soleil, G-Wiz, car représente bon sénateur. Parce que le monde qui compte ici, même si y'a pas voté pour moi. Même si y'a pas connaître, y'a ni monde qui a coûté moi. Voir moi, bien remplacer ta on papa qui parti. En si à ti, mon amour, en prend inspiration. C'est l'évangile, la crise qui prend ma rédemption. En petit, ou ça qu'a fait ma rire. Dis ou ça qu'a fait ma paix. Dis ou ça qu'a motivé moi. Ça qui a enragé moi. Ça qu'a sorti en bouche en moi. Bon ascenseur, il a pour faire monter. Puis au moins, c'est en style. Pas parce que monde connaît moi. Mais parce que lumière, l'éternel qu'a pris en dit de moi. C'est pour ça qu'il n'y a pas fait sans prier. Sinon, tout ça qu'a dit ou peut finir dans le cendrier. Et yo, aime qu'on mette à man yo. Mon souffert ministre. C'est qu'on cérémonie, conférence, connaissance. On parle pas ou bien ou s'absent, yeah. C'est en MC. Pour qu'attendre li en voie mwen. Voyant en mwen, pas pour faire mon vrai mwen. Ancien MC, militant et puis confiance. En sang la qualité pour nous faire esclaves et plus conscience. Ancien MC, alchimiste à la vie. Parole et musique pour faire comprendre ça en quatre. Ancien MC, qui saille pour les pop là. Et grime c'est vérité, on va venir compter pour salade. Yeah, t'as la son vibe de luxe. En l'homme morceau à Akuji. Two MCs and a microphone coming at you. Rah!